manger. Le président Hassan. Le président Hassan Bakou. Décalé poupée chinois, hey. Tout le monde est position. Position de Vumba Nadia. Boum. C'est les monnaies, c'est les monnaies. Vumba Nadia, c'est les monnaies. Vumba Nadia, c'est les monnaies. C'est les monnaies, c'est les monnaies. Vumba Nadia, c'est les monnaies. Vumba Nadia, c'est les monnaies. Vumba Nadia, tu veux couper des galets. Tu veux venir me voir. A Vumba Nadia, tu veux couper des galets. Tu veux venir me voir. A Vumba Nadia, tu veux couper des galets. Tu veux venir me voir. A Vumba Nadia. Méchant, la dictimité. Hey, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hey, c'est les monnaies, c'est les monnaies. Vumba Nadia, c'est les monnaies. Vumba Nadia, c'est les monnaies. Papa ministre, c'est un talent. Le président Hassan Bakou. Décalé poupée chinois, hey. Tout le monde est position. Position de Vumba Nadia. Boum, boum, boum, Vumba Nadia. Mon petit B. Vumba Nadia. Tout le monde est Vumba Nadia. Position. Position. Mama Gresto Soba. Position de Vumba Nadia. Ha! A Vumba Nadia. Position de Vumba Nadia. Papa ministre de Vumba Nadia. Décalé. Tout le monde est décalé. Patente. Tout le monde est patente. Vumba Nadia. La danse de prestige. Mati Malé, Mati Malé. Moula les sept mois du monde. C'est bon, j'arrive à l'écho. Papa ministre, il est de retour avec le nouveau concept. Vumba Nadia. Et Vumba Nadia. Benito de Nantes. Didier et Sousso Solo de Breton. Marcel Gossio, patron du port. Ouma Salso. Don Pripi. Les coups de châle. Et papa ministre Banengo. Et papa ministre Banengo. Mon lieutenant Koulibaly. Eric Commissaire. On y va. Et vous ma dada. Et vous ma dada. Oye. Oye. Maria Koulibaly. Et vous ma dada. Oye. Oye. Et vous ma dada. Dominique de Barcelone. Oye. Papa ministre Banengo. Et papa ministre Banengo. Papa François Kouya. Alloye tu y'a ministre. Papa ministre. Il te m'a reconnu. Il te t'a gagné. Je n'en ai qu'à nous. Ma iourala. Apache que nous iourala. Apache que nous iourala.